Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Nous mangeons du melon et du citron. Le thon est très bon. Les bonbons de mon oncle sont dans son camion.